with me. Want you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine with me. The one that'll grind with me. The one that'll grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine. The one that'll grind with me. The one that'll grind. I wanna make up. Akon sur RGM, presque 8h39, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 16 avril 1945. Naissance de Michel Denisot, célèbre journaliste, animateur, producteur télé français, qui de août 2004 à juin 2013 a présenté l'émission Le Grand Journal. 1946, naissance de Catherine Allégret, actrice française, vue dans Le Dernier Tango à Paris. La Môme dans le rôle de Louise, la grand-mère. La Rafle dans le rôle de la concierge Tati. Fatal, la série télé Navarro dans le rôle de Ginette Bouloche-Borelli, dite Ginou. Vu dans Section de recherche, Scène de ménage, Joséphine Ange-Gardien ou encore Demain nous appartient dans le rôle de Jeanne Bélanger. 1952, naissance de Michel Blanc, acteur, réalisateur français. Vu dans Que la fête commence, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Les bronzés font du ski et les bronzés trois dans le rôle culte de Jean-Claude Duss. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ma femme s'appelle Reviens. Le Père Noël est une ordure, papy fait de la résistance, prêt à porter, embrasser qui vous voudrez dans le rôle de Jean-Pierre, Je vous trouve très beau, Nos 18 ans, Les souvenirs, Les nouvelles aventures d'Aladin, Red Dingue, réalisateur de Marche à l'ombre, d'Embrasser qui vous voudrez, co-scénariste des bronzés font du ski et des bronzés 3, de Viens chez moi, j'habite chez une copine, de Ma femme s'appelle Reviens et d'Embrasser qui vous voudrez. 1954, naissance d'Hélène Barkin, actrice américaine, connue pour son rôle d'Amanda Brooks dans le film Dans la peau d'une blonde et son rôle d'Abigail Sponder dans Ocean's 13. 1955, naissance d'Henri de Luxembourg, grand-duc du Luxembourg. 1960, naissance de Tex, humoriste et animateur télé français. 1965, naissance de Martin Lawrence, acteur américain connu pour son rôle de l'inspecteur Marcus Burnett dans Bad Boys 1 et 2. Et d'ailleurs, ça va revenir, ça va s'intituler Bad Boys for Life. Ce sera donc le troisième volet, sortie prévue pour 2020. Vu dans Big Mama 1 et 2 et Big Mama de père en fils dans le rôle de Malcolm Turner alias Big Mama et dans la série télé Martin dans le rôle de Martin Payne. 1973, naissance d'Akon, chanteur, compositeur, producteur américain. 1976, naissance de Lucas Haas, acteur américain. Vu dans Witness dans le rôle de Samuel Lapp, Mars Attacks, Inception dans le rôle de Nash, Lincoln, Jobs, The Revenant dans le rôle de Jones dans la série télé 24 heures chrono ou encore Esprit criminel. 1982, naissance de Boris Dio, ancien basketteur français ayant fait carrière de 2000 à 2018. De 2000 à 2003, il a joué à Portes. De 2003 à 2005 pour les Hawks d'Atlanta. De 2005 à 2009 pour les Suns de Phoenix. De 2009 à 2012 pour les Bobcats de Charlotte. Pendant le lockout en 2011, il a joué à Bordeaux. De 2012 à 2016, il a joué avec les Spurs de San Antonio. Équipe avec laquelle il a remporté les finals de NBA dans la saison 2013-2014. De 2016 à 2017, il a joué pour l'Utah Jazz. De 2017 à 2018, à Levallois. En équipe de France, il compte 5 médailles internationales. D'ailleurs, il a été capitaine de l'équipe de France de 2006 à 2018. Il a remporté le bronze avec ses coéquipiers lors des championnats d'Europe 2005 et 2015, l'argent en 2011, l'or en 2013 et aussi le bronze à l'issue de la Coupe du Monde 2014. À noter que cette année, il a intégré le staff de l'équipe de France. 1984, naissance de Claire Foy, actrice britannique connue pour son rôle d'Elisabeth II dans la série télé The Crown. 1990, naissance de Jules Citruc, acteur français connu pour son rôle de César dans le film Moi César, 10 ans et demi, 1m39, vu également dans Vipère au poing ou encore Les Aiguilles Rouges. 1992, naissance de Sébastien de Luxembourg, prince de Luxembourg, fils du grand-duc Henri.

Alors, pour l'instant, le ciel est un petit peu ensoleillé et chargé de nuages, mais on voit quand même le soleil. Malheureusement, ça ne va pas durer. La pluie va vite venir nous rendre visite. Des températures comprises entre 7 et 9 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Mercredi, soleil et nuages. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés demain matin, entre 14 et 16 degrés prévus pour demain après-midi. Et alors, jeudi, très belle journée ensoleillée avec des super températures. En tout cas, le matin, ça reste un petit peu frais, entre 6 et 7. Mais alors, pour jeudi après-midi, on aura des températures comprises entre 18 et jusqu'à 20 degrés. Et oui, vous m'avez bien entendu. Parfait pour bien terminer la semaine de vacances scolaires. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et le tournoi de Monte-Carlo et l'élimination de Jérémy Chardy face à Kukushkin. Aujourd'hui, Tsonga affrontera Fritz, Herbert sera opposé à Verdasco, Gilles Simon affrontera Popirine, Adrian Manarino lui affrontera Nori. Il y aura également Marin Cilic, Novak Djokovic ou encore Stan Wawrinka qui lui affrontera Cecchinato. Un mot de basket avec un petit point sur les playoffs de NBA où l'équipe de Boston de Yabusele et l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier mènent leur huitième de finale 1-0. En revanche, l'Utah Jazz de Rudy Gobert est mené 1-0 face à Houston. Un mot de hockey sur glace avec le mondial U18 et la France qui s'est inclinée hier soir face au Kazakhstan 7-2. Et on termine avec du football et les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Ce soir, la Juventus de Turin reçoit l'Ajax d'Amsterdam. À noter que les deux équipes ont fait match nul, un but partout à l'aller. Et Barcelone reçoit Manchester United. À noter qu'à l'aller, c'est le Barça qui s'était imposé 1-0. Avantage au club espagnol donc. Et c'est déjà la fin de l'actu sportive. Et oui, pas grand chose à dire en ce mardi matin. On va donc tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec encore une nouveauté. Elle est signée Soprano et ça s'appelle Fragile. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh, oh, oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh, oh. On vit l'époque du virtuel. Des tutos pour du rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimée. Mais la